cette conférence ayant pour titre « Pourquoi l'homme a-t-il été créé? » Poser la question à ma femme avant d'arriver. Elle m'a dit que c'était pour sortir les vidanges puis le chien. J'ai posé la question à mon enfant. Lui m'a dit que c'était pour aller travailler. Parce qu'il y a d'autres raisons. Plus intéressant. Est-ce que l'homme a été créé ou c'est un accident? Il est créé. Oui, ça, je j'ai pu voir ça. Est-ce que c'était intentionnel? Oui. En grande partie. Par qui? Qu'est-ce qui est venu avant, l'homme ou le spermatozoïde? Par qui? S'il y avait une intention de par créer. Par personne. Donc, si c'était intentionnel, c'était par quelque chose ou par quelqu'un? C'est une grande question. Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Ce qui fait que, si c'est une grande question, il ne faut pas non plus s'attendre à des réponses très simples. Surtout s'il pose des questions comme ça. L'homme a été créé intentionnellement en partie. Et il y a une partie de la constitution de l'homme qui n'est pas intentionnelle et qui n'est pas accidentelle. L'homme est composé de plusieurs parties. Je vais expliquer ça. Lesquelles? J'allais les nommer, mais c'est pas le moi. Le bras gauche. Moi, je suis là pour poser le bras droit. Oui. Le nez. Dans ton cas. Je ne dirai rien. On projette, mais c'est... Premièrement, il y a différents hommes. Quand on parle de l'homme, on parle de la femme, de l'enfant, ça va de soi. On parle de l'être humain. On parle de l'animal humain, on parle de l'être humain, on parle de l'humain entre les deux, puis on parle de l'être, finalement. Il y a on va dire l'homme, il y a l'homme planétaire, et puis il y a l'homme extraplanétaire, ou l'homme cosmique, ou l'homme absolu. L'homme planétaire, c'est une mécanique qui est intentionnelle, dont la majorité de ses composantes sont expérientielles. Ce ne sont pas des composantes intentionnelles, ce ne sont pas des composantes accidentelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si on dit, nous allons créer l'homme, nous allons le créer dans un contexte refroidi, nous allons choisir une planète dans une aile assez éloignée d'une galaxie. Alors, on a pris la galaxie de la Voie lactée en ce qui nous concerne, et on nous a créé très loin du centre de la galaxie, loin de la lumière, et on va créer l'homme, on va placer des principes qui peuvent finir par engendrer des animaux qui pourront à un moment donné recevoir de l'âme et qui par la suite pourront développer un corps mental qui les mettra en contact avec de la mémoire instantanée, de l'intelligence supramentale, de l'esprit. Alors, on choisit une planète, on place ce qu'il faut là-dessus, on envoie des principes créationnels sur lesquels on pourrait revenir à un moment donné. Alors, au départ, il y aura les Elohim, il y aura les mécaniques géoviques par la suite, les mécaniques iaviques, et finalement, il y aura d'autres mécaniques melchisédiennes. Alors, on prend un contexte planétaire, on met des choses là-dessus, et puis on se dit, eh bien, en fonction de l'évolution naturelle de la planète, d'une planète qui orbite autour d'un soleil froid, comme notre soleil, c'est pas grand-chose, eh bien, il y aura des choses qui vont se créer, et puis à un moment donné, eh bien, on ira voir s'il y a un corps capable de recevoir de l'intelligence. Alors, intentionnellement, on va vouloir créer une mécanique recevant de l'intelligence, qu'on appellera l'homme. Et par contre, est-ce que l'homme aura 8 bras, 2 bras, 2 yeux, est-ce qu'il aura besoin d'un nez, est-ce qu'il le mangera, etc. Ça, on laisse ça au contexte planétaire, puis on verra. S'adaptera en fonction des mécaniques de refroidissement planétaire. Alors, il n'y a pas, c'est prévisible, mais il n'y a pas d'intentionnalité. Maintenant, ça, c'est l'homme planétaire. L'homme planétaire est une mécanique qui va apparaître sur une planète et qui, à travers des millions d'années, va finir par vivre une gestation qui va l'amener à se séparer en deux parties. Il y aura une partie qui ne sera pas capable de supporter le langage et qui ne sera pas capable non plus de supporter la pensée, qui est de la mémoire, une mémoire astrale, une mémoire amique. Alors, la partie animale qui ne sera pas capable de supporter cela va donner naissance à toutes les races de singes que l'on connaît, qui dans l'ésotérisme traditionnel s'appelle homme sans parole. Alors que de notre côté, on a les êtres humains qui, eux, vont être capables de développer le centre laryngé, ils vont voir apparaître leur sexualisation, ils vont développer aussi un centre cérébral capable d'engendrer la pensée, qui, elle, va maintenant permettre la création de la parole, c'est-à-dire la phonisation, on va être capable de mettre des mots. Et ça, c'est l'homme planétaire qui, à un moment donné, par essai et erreur, c'est-à-dire par mécanique expérientielle et non pas par intentionnalité, c'est-à-dire que dans l'intention, il n'y a pas d'intention qui oblige l'humain à souffrir. Par contre, il y a une mécanique qui fait souffrir l'humain. Mais il n'y a pas d'intention. De ce fait, un être humain qui arrive à un certain niveau de compréhension, d'attitude de vie, aura la capacité de se désassujettir des limitations planétaires et il aura la capacité de se désassujettir de la souffrance humaine, de la souffrance planétaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une loi de Dieu. Ce n'est pas une loi créationnelle, ce n'est pas une loi intentionnelle. Il n'y a rien dans l'intention qui dit que la femme devra, par exemple, engendrer dans la souffrance, ou etc. Ce qui arrive, c'est que la mécanique va faire en sorte que lorsque la femme, par exemple, va accoucher, eh bien, nécessairement, le corps physique vit un grand stress. Normalement, il y a des déchirures cutanées qui vont s'opérer et le corps physique est orchestré pour permettre à la femme de survivre dans un contexte. Donc, le cerveau est alerté lorsqu'il y a des problèmes physiques. Et ça, c'en est. Un être humain qui évolue à un certain niveau sera capable, à un moment donné, de ne pas sentir la douleur, donc en obligeant, par exemple, son système endocrinien à sécréter un peu plus d'endorphine cérébrale qui va anesthésier le corps, en conservant la conscience. On est capable de travailler, on peut, magnifiquement parlant, bouger le corps comme l'on veut, donc on pourra le cicatriser plus rapidement, etc. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que l'être humain qui existe sur le plan planétaire arrive à un moment donné, par essai et erreur, à mettre en valeur au maximum sa capacité qu'il a de se rappeler le passé. C'est ce qu'on appellera astraliser les choses, et dans une forme évolutive avancée, on parlera de spiritualisation. On spiritualisera les choses. La spiritualité est la caractéristique fondamentale qu'a l'animal humain, donc l'être planétaire, de développer une conscience cosmique en fonction de ses visions émotives. Donc, il va émotiviser, ce qui fait qu'il va finalement développer une cosmogonie qui va lui dire « Nous avons été créés par quelqu'un qui nous aime. » Et non pas « Nous avons été créés parce qu'il y a une raison intelligente à notre création. » Donc, au départ, nous sommes créés parce qu'on nous aime, nous sommes créés parce que nous sommes beaux, nous sommes créés et à l'image, à la ressemblance, donc c'est toujours une question de conformisme traditionnel, et en même temps, c'est une question de se voir rassuré. Donc, on a un Dieu qui veille sur nous, on a un ange gardien en plus qui va veiller sur nous. On ne le voit pas trop souvent, mais enfin, apparemment qu'on a un ange gardien. Et il y a des mécaniques comme ça qui vont faire en sorte que une grande partie de l'évolution ascendante de l'animal humain vers l'humain, vers l'être humain, est une évolution uniquement basée sur la valeur émotive d'une vision cosmique. Lorsque l'être humain se voit désillusionné régulièrement, il arrive à l'écœurement, et l'écœurement l'amène à l'écœurement de l'écœurement, qui aboutit normalement sur la désillusion des dieux. La désillusion des dieux, ça se vit de plusieurs façons. La première façon, ça va être lorsqu'on se rend compte qu'un être humain qu'on croyait supérieur, ben finalement on découvre qu'il n'est pas aussi supérieur qu'on l'aurait voulu. Des illusions des dieux. L'autre ne nous a pas trompés. Nous, nous sommes leurrés nous-mêmes. Alors, à un moment donné, on va prier un dieu particulier et on perd un bras. Alors, on ne comprend plus notre dieu. On peut changer de religion, on magasine, on va voir un autre dieu. Et il y a des personnes qui vont finir par être dans une forme d'amour divin dans certaines religions, dans certaines sectes. Et d'autres, à un moment donné, ça éclate. Il y a un divorce, alors ils se séparent. Ils laissent Dieu d'un côté, ou Dieu les abandonne, et ils vont trouver un autre Dieu. Les individus doivent vivre cela. Pourquoi? Parce que l'intelligence qui va engendrer l'opération humaine sur le plan planétaire, l'esprit, que certains sont capables déjà de chatouiller, l'intelligence qu'elle va faire, c'est qu'elle va laisser la mécanique expérientielle planétaire triturer et travailler l'âme chez l'homme et chez la femme et chez l'enfant pour qu'à un moment donné, toutes les possibilités d'évolution ascendante à partir de l'âme puissent être totalement accomplies. Ça veut dire que lorsque l'être humain est rendu à un point où, avec son âme, il n'a plus la capacité d'évoluer, et nous n'avons plus la capacité d'évoluer d'une façon amique, reliée à l'âme, depuis près de 1900 ans. De ce fait, l'humain, à travers les derniers millénaires, n'a pas changé. Il a peur comme avant, il fait les guerres comme avant, il a les jalousies d'avant, il a tout. Au niveau des structures astrales ou amiques, c'est la même chose. Au niveau de l'âme, c'est resté pareil. Oui. Ça l'a fait quoi? Ça l'a fait que depuis les deux derniers millénaires, on a développé l'intellect et on a développé le plan mental. Donc, on a été obligé par l'expérience à évoluer, à rechercher un contact plus haut sous un autre plan. On peut expliquer la mécanique de deux façons. D'une façon mécanique, par l'intelligence, nous recevons de l'énergie, on va voir ce que c'est, et lorsque nous l'avons suffisamment assimilé et suffisamment digéré, ce qu'elle a à nous apporter, nous l'avons. De ce fait, il n'y a plus d'avancement. Alors, on devra monter un peu plus haut pour aller chercher l'énergie à un niveau plus haut. Spirituellement, on peut l'expliquer comme ceci. Les énergies créationnelles, les énergies divines, descendent et nourrissent l'humain avec un biberon. Et puis, à un moment donné, quand l'humain est rendu assez fort, on lève le biberon un pouce ou deux, puis on dit, écoute, c'est encore soi, vous lève cette boule. Ben là, l'humain chiale, l'humain broute, puis à un moment donné, l'humain commence à se lever, puis là, il touche le biberon, ben là, voilà, il est correct, il est heureux. Là, il essaie d'amener le biberon avec lui, le biberon reste là, fait que ça va pas. Alors, à un moment donné, l'humain, un peu plus debout, continue à boire, puis il se réveille. Vu qu'il est plus dressé, l'énergie circule mieux, alors il y a une conscience qui se développe. Et ça pourra se faire comme ça encore pendant quelques strates, d'un point de vue spirituel. Mécaniquement parlant, lorsqu'on a été chercher ce qu'on avait besoin, on peut continuer à aller chercher la même chose, ça ne nous avance plus. Est-ce que tout ça, c'était mécanique ou... Est-ce que, parce que tantôt, tu as dit partiellement intentionnel, la création de l'homme, puis partiellement accidentel. Oui. L'idée de l'homme est intentionnelle. La façon c'est le résultat final qui était intentionnel. Oui, le départ, le résultat final est intentionnel. Le chemin entre les deux est expérientiel, donc ce n'est pas intentionnel. OK. Autrement dit, c'est comme si vous vous posez la question, vous n'êtes pas capable de souffrance, vous n'êtes pas capable d'avoir d'émotivité, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas d'angoisse, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas malheureux, malheureuse. Et on crée quelque chose où on se dit, on part d'un point qui est relativement intéressant, mais il y a un travail qui doit se faire et on arrivera à un autre point. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que le résultat final soit atteint. Alors, on crée une mécanique. Mais sur le contexte planétaire, il y a de la mémoire, il y a un corps physique, il y a un système neuronique qui préserve vos corps des agressions extérieures. Donc, il y aura de la souffrance. La souffrance physique est uniquement un système d'alarme. Ça crie pour avertir le cerveau qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Mais par la suite, on évoluera, on amènera une conscience astrale. La conscience astrale, elle va aussi crier. Elle va crier en fonction de son propre corps. « Je ne vous aime plus ». L'ego crie, je vous aime, l'ego se calme. Il y aura des mécaniques comme ça. Donc, lorsqu'une personne meurt, l'ego sent qu'il y a un stress, il y a une partie de sa constitution qui pourra peut être nourrie. Alors, il y a une alerte. Cette alerte-là, on va le développer à un point tel qu'on va dire à quelqu'un, c'est glissant dehors, sois prudent. Bon, c'est comme si ça ne servait à rien. Écoute, c'est évident qu'on va être prudent, tu sais. Donc, il y a un système d'alerte qui va finir par se développer au niveau du corps astral. Au niveau du plan mental, il y aura quelque chose de similaire, un petit peu moins important. Mais ça, ces mécaniques-là, mental, astral, étaient... Ce n'est pas prévu. Elles sont accidentelles. Elles ne sont pas accidentelles, elles sont prévisibles, elles ne sont pas voulues, elles ne sont pas prévues, elles ne sont pas intentionnelles, elles sont expérientielles. C'est la conséquence des accidents. C'est la conséquence de l'accident. Mais ça, ce n'est pas accidentel. La création du monde astral lui-même... C'est expérientiel. Expérientiel aussi. C'est ça. On peut considérer qu'autour d'une planète avec une atmosphère, dans la majorité des cas, on a toujours un monde astral. Ce qui fait que sur la Lune, on n'a pas de monde astral. Mais c'était prévisible. C'est prévisible, mais ce n'était pas prévu. On s'en balançait. Alors, ça va donner ceci. Ça va donner que nécessairement, l'être humain, dans un contexte où il oublie, dans un contexte où on n'a pas légalisé son évolution, dans un contexte où on n'a pas décidé de quelle façon il évoluerait, mais dans un contexte où la mécanique planétaire va nécessairement nous paramétrer, où elle va décider de ce que nous allons vivre, les maladies qui apparaissent, est-ce que c'est Dieu qui punit l'homme ou pas? Il y a plusieurs malades qui ne méritent pas de punition. Il y a plusieurs personnes en santé qui devraient avoir toutes les maladies du monde. Donc, la maladie n'est pas une loi divine. C'est une mécanique terrestre. L'humain qui finit par se désassujettir des premières visions divines de sa création, où on va dire, on punit, ou encore, il y a 10 commandements, 20, 30, 40, parce que dans certaines religions, on a quelques milliers de commandements. Tu ne dois pas fumer. Si tu fumes la pipe, c'est uniquement du côté gauche. Telle journée, tu ne fais pas ceci. Il faut que la femme se voile le visage. Elle doit se découvrir de telle, telle façon. Quand on s'assoit, c'est de tel, tel rite. Sinon, tu frustres toujours Dieu. Bon. Alors, il y a des religions qui sont encore opérationnelles aujourd'hui, qui ont des livres complets et on va punir très sévèrement. D'ailleurs, c'est toujours la même chose. Plus il y a de lois, plus on punit et plus on punit sévèrement. Est-ce que la majorité des religions se vantent ou prennent le parti d'avoir créé l'homme? Non, toutes les religions, pas la religion, mais le Dieu de chacune de ces religions-là étant celui oui, qui c'est a créé ce Dieu-là qui a créé l'homme. Mais l'homme s'est toujours vanté d'être une larve humaine créée par une mécanique absolument parfaite. Et on se devait de servir la mécanique parfaite, parce qu'il n'est pas capable de se servir tout seul, bon. Et on devait lui offrir nos plus beaux agneaux. Il n'est pas capable de s'en créer, hein? Faut même rien donner. Puis on doit lui offrir les plus beaux de nos enfants, parce qu'il s'ennuie en haut, ben rien donner. Et etc., etc. On devait souffrir, peut-être pour alléger ses souffrances en haut, sur une question de potentiel. T'sais, moi, j'ai mal à une dent, puis là, je me rends compte que j'ai mal à toute votre bouche. Je me sens bien. C'est peut-être pour ça qu'il fallait que l'homme souffre, pour que Dieu sente bien, puisque Dieu souffrait aussi, mais si l'homme souffrait plus, Dieu sentait bien. Ou bien Dieu est vachement sadique. Ou bien Dieu n'a rien fait là-dedans, c'est que c'est une mécanique qui est planétaire, puis c'est l'homme qui doit la régir. Quand le Nazaréen dit, à un moment donné, à un paquet de personnes que, parce qu'il confessait les fautes, là, je ne vous connais pas, puis je vous dis simplement, toi, là, je te pardonne, je te confesse. Au nom de mon Père, je te pardonne. Qui est-ce que là, pour pouvoir dire telle chose? Puis finalement, il va répondre, ben, écoutez, confesser, c'est du domaine de l'homme. C'est l'homme qui pêche en face de l'homme. C'est à l'homme de confesser l'homme. Mais il y a bien pire que ça. Il y a énormément de lois qui sont intimement planétaires que l'humain doit apprendre à contrôler. On ne peut pas prier, attendre un salut, ça appartient à l'homme. Or, c'est sûr qu'un jour, on sera plus confiné à être assujetti à ces lois-là. Sauf que ça va prendre encore quelques temps. Donc, pour plusieurs personnes qui ont les capacités maintenant génétiques, endocriniennes, cérébrales, au niveau mental, au niveau supramental, au niveau de l'esprit, ça serait intéressant qu'elles finissent par se désassujettir eux-mêmes avant. Pourquoi? Parce qu'elles vont se sauver entre 300 ans et quelques milliers d'années de souffrance inutile. Ça vaut la peine. Est-ce que les règles ou les règlements ou les lois, les commandements de chacune de ces religions-là n'ont pas été amenés par des hommes dont la conscience était un peu plus développée pour régir les hommes, justement, pour qu'ils arrêtent de faire des conneries? Il y en a un paquet qui, s'il n'y avait pas eu ces lois-là, il allait tuer. Ces lois étaient essentielles, mais une loi est toujours absolument essentielle tant qu'il n'y a pas d'intelligence. Combien de personnes arrêtent sur un feu rouge à cause que c'est la loi? Et combien arrêtent parce que c'est intelligent d'arrêter quand il y a du trafic en sens opposé? Et on peut rire. La majorité des citoyens vont arrêter parce que c'est la loi. Alors qu'on devrait arrêter parce que c'est intelligent. Moi, j'arrive sur un feu rouge à 4h du matin, j'arrête. Je regarde, il n'y a aucune automobile, je passe sur le feu rouge. Il n'y a pas un feu rouge qui va m'empêcher de bouger s'il n'y a aucune raison de rester là. La majorité des citoyens vont rester là. Culpabilité en arrière, oui, mais du civisme, oui, mais il faut donner l'exemple, il n'y a personne. Oui, mais si quelqu'un te voit, il n'y a personne. Ah, mais c'est dangereux, il n'y a personne. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Mais tu passes, puis après ça, tu regardes dans ton miroir, tu vois, tu vois d'autres feux rouges qui s'en viennent. Ça m'est arrivé une fois. En clignotant. Ça m'est arrivé une fois. J'étais arrêté, c'est un feu rouge, il y avait un Dunkin' Donuts à droite, à gauche. Ah, voilà. Et puis... jamais c'est un feu rouge, chez Dunkin'. Non, c'est ça, j'ai compris après, que s'il y a Dunkin', tu restes là. Et il y avait une autopatrouille, et puis je me suis dit, ben, je me suis rien dit. Moi, il y avait une autopatrouille qui était là, les gars mangeaient le beigne. Et puis j'arrête sur le feu rouge, il était 3h du matin, et puis il n'y avait aucun trafic, alors j'ai passé. Puis eux, ils n'ont pas compris le principe. Il avait fini de manger leur beigne. Alors, voilà, ils me mettent là quand c'est ça. Tu ne penses pas quand il y a une autopatrouille à côté. Mm-hmm. Sauf quand c'est tes amis. Mais ce que l'homme doit comprendre, c'est que toutes les lois sont placées uniquement pour l'individu qui n'a pas suffisamment d'intelligence pour se gérer lui-même. Les lois sont des hétérodisciplinaires, elles sont essentielles, mais quand l'humain parvient à être un autodisciplinaire, il se désassujettit des lois. Les pharisiens criaient après le Nazaréen la même chose. Parce qu'à un moment donné, oui, mais il y a la loi, il y a la loi. Puis lui, il disait, écoutez, je ne suis pas venu défaire la loi, je suis venu la parfaire. Et parfaire une loi, c'est nécessairement défaire une loi. Un amendement. De façon rusée. Ben oui, on fait des amendements, mais à un moment donné, c'est une façon rusée. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans la première version, disons, la vision de la création de l'homme, pourquoi l'homme est créé, si on va revenir pourquoi il a été créé planétairement, pourquoi il a été créé au niveau de l'absolu, au niveau du cosmos, mais au départ, on doit comprendre que pratiquement, on peut déjà vouloir appliquer une chose, c'est que la majorité des mécaniques qui règlent l'évolution humaine sont des mécaniques expérientielles attachées au contexte planétaire par la présence même de la planète. Et l'humain n'est pas confiné à rester assujetti aux limitations temporelles, aux limitations matérielles. L'humain n'est pas obligé de rester là. Ça ne fait pas partie du vouloir ou de l'intentionnalité d'une force créationnelle. Donc, ça choquera aucun dieu si demain matin, on est mieux. Exact. Ça va choquer des dieux dans le monde astral, des dieux dans le monde de la mort qui ont été créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme, qui ont été placés là pour gérer ceux qui n'ont pas suffisamment de puissance pour se légaliser. Mais ça ne dérange rien au niveau de l'évolution, au niveau de la création. Par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que l'intelligence doit... Je faisais une expérience à un moment donné à travers des élèves qui étaient rendus à niveau PMC6. Et l'expérience, il était simple, on fait un exercice et les personnes parviennent à paradisier leur corps physique. Donc le corps physique arrive à un niveau vibratoire où il est totalement bien. Les individus font quelques petites choses pour paradisier leur corps vital. Alors tout est parfait et par la suite, ils doivent paradisier leur corps astral, ce qui est un peu plus compliqué. Les rares personnes qui y parviennent découvrent subitement qu'ils sont mentalos supramentales, c'est-à-dire qu'ils sont bien physiquement, bien vitalement, bien astralement. Et là, si ils ont ouvert, on leur pose des questions, leurs réponses sont très petites, parfaites, agréables, ajustées. Ils sont capables de dire à quelqu'un, je ne te réponds pas, puis l'autre se sent comblé d'aise. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'insulte, ça va, c'est correct. Pourquoi? Parce que toute la communication se fait sur tous les plans, ce qui fait que l'individu est capable subitement, par énergie opathie, de comprendre pourquoi l'autre ne veut pas y répondre, mais l'ego ne peut pas interpréter. Et là, je leur explique, voilà, là vous êtes un être sur la planète Terre, et où il y a une difficulté de vivre comme vous êtes comme ça, c'est ceci. J'approche une personne, je lui dis, je vais te donner une claque en plein visage. Empêche-moi de le faire. Mais reste comme tu es. Alors j'approche ma main. Paf! Là, la personne me regarde. Puis je vais recommencer. On va faire catholique, sur l'autre joue. Empêche-moi de le faire. Paf! Je lui demande, est-ce que tu as mal? Elle me dit, non, mais c'est inintelligent de manger des claques comme ça. Je dis, effectivement, parce que si c'était un coup de poing, il m'a t'aplatir le nez, il m'a t'envoyer à l'hôpital. La problématique, c'est que l'être humain n'est pas encore suffisamment constitué pour être efficace sur la planète en ayant chez lui de l'esprit. Parce que quand tu es au paradis, tu n'es pas sur terre. Tu n'es pas là. Alors l'humain, à un moment donné, je lui dis, maintenant, je vais te pousser, te bousculer, et je vais t'approcher du mur de ciment qui est là. Je commence à la pousser, et à un moment donné, la personne, elle est capable de réagir. Elle me dit, hop, là, elle commence à réagir, et ça va. Le problème, c'est qu'elle n'est plus paradisiée. On a encore absolument besoin de notre âme, de notre maudit ego, pour survivre. Quand on a les visions du Nazaréen, qu'est-ce que c'est? C'est un gars qui est blafard, hein, qui est pâle, pas beaucoup d'expression. Puis on lui dit, tu vas mourir sur une croix, si c'est la volonté de mon père. Et là, on dit, ce gars-là, c'est un maudit imbécile. L'idée, c'est qu'on peut tomber en amour avec un jeune personnage comme ça. Faites comme lui, vous ne vivrez pas longtemps ici. Il y avait une puissance autre. Il n'est pas mort comme ça sur la croix. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que ça donne l'illusion des plus grands maîtres, les individus qui, à un moment donné, sont capables de faire ce que l'homme nouveau, la femme nouvelle ou l'enfant nouveau devrait faire. Imaginez que vous vous promenez avec un bâton dans une ruelle de Montréal. 5 personnes vous attaquent. Vous faites quoi? Certains ont déjà vu les films de Bruce Lee. Bon, parce que si vous n'avez pas vu, vous avez peut-être que vous les avez entendus. Ça criait là-dedans. Alors, à un moment donné, les personnes vous attaquent et vous faites quoi? Vous vous défendez. Si vous êtes paradisié, donc si l'esprit, si vous habitez votre corps physique, vous allez vous défendre. Et jamais on va voir de rictus au niveau du visage. Ça va être, on bloque un coup, on évite une affaire, on met la personne là, on emmène l'autre à terre délicatement, on se tasse, puis quand on est fini, bien on s'en va. Mais l'animal humain ne peut pas faire ça. L'animal humain va falloir à un moment donné qu'il se mette à crier, qu'il se donne la puissance, qu'il mette de l'énergie, parce que sinon il ne pourra pas le faire. Il faut qu'il s'astralise pour être capable d'être efficace, pour survivre. Ça, c'est entre les deux. Oui. Parce que quand tu as atteint l'état que de l'être. Tu peux avoir l'être comme le Nazaréen l'avait, si quelqu'un l'avait attaqué dans une ruelle, probablement qu'il serait tombé aux autres mains avant d'y toucher. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver simplement, c'est que la petite phase de transition, c'est que tu vas être capable de te défendre sans. Et on appelle ça l'ordre de la main morte. Parce que l'événement va être reporté autrement. Oui, mais pendant un petit bout de temps de ta vie, tu vas pratiquer l'ordre de la main morte. Les individus auront l'impression de se battre avec du vent. Ils n'auront rien vu, ils vont tous se ramasser à terre, ils n'auront mal nulle part. Bon, maintenant ce qui va arriver, c'est que quelques temps après, les individus ne pourront plus t'attaquer, ils ne t'attaqueront plus. Mais l'individu, celui qui évolue, doit parvenir à une phase où il sera capable de vivre en pleine action, tout en restant totalement ce qu'il est lui. Alors vous conduisez une automobile et subitement vous devez éviter un accident, vous redevenez un animal humain. Et là, ce n'est pas une insulte, c'est essentiel. Dommage, mais essentiel. Si l'être humain n'a pas d'ego, si l'être humain n'a pas d'armes suffisamment constituées, il ne peut pas survivre sur le contexte planétaire. Étant donné que notre situation planétaire est de plus en plus complexe, nos âmes doivent être de plus en plus complexes pour nous permettre de survivre. On va dire, par exemple, tu sais, les ancêtres, quand ils vivaient dans le bois ou nos arrières, etc., ils étaient drôlement mieux que nous. Pas de stress, pas de complications. Prenez-le, mettez-le aujourd'hui, il ne vit pas 2 heures. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas, il va se frotter. Tu mets au métro à Berry de Montigny à 5 heures. Sadique, hein? Une initiation. Métro sauvé, pas métro Berry de Montigny, laissez une chance. C'est parce qu'on s'est habitué au stress. Pour nous autres, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y en avait en masse en son temps. Vous savez que rencontrer de l'intelligence et rencontrer du savoir, c'est hautement stressant. Donc, on doit s'habituer à un stress. Et le stress, c'est pas uniquement un stress de l'extérieur. Le stress, c'est simplement la capacité qu'a un métal de résister à une force, à une pression, à une torsion, sans en casser. Alors, nous développons la capacité de supporter des doses massives d'énergie, et pour développer ça, eh bien, on se fait travailler d'autres façons. C'est comme vous êtes une pièce de métal qui devait travailler, à un moment donné, sur les amortisseurs d'une automobile. Ben, avant de vous essayer, on vous met dans une usine, mais les tests qu'on vous fait passer, ça n'a rien à voir avec une automobile. Mais c'est ce qui arrive présentement. On va vous stresser par votre corps astral, par votre âme, par votre émotivité, par la peur du lendemain, par la peur de la mort, par la peur des crises économiques, par le manque d'argent, par le manque de ceci. Mais ça, c'est uniquement pour renforcer le corps physique. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est que vous allez subitement découvrir que tout ce que vous saviez est faux. C'est l'illusion. Et bien plus que ça. Et ça, il faut que le corps physique soit capable de supporter l'atterrissage planétaire d'une conscience supramentale qui est de l'esprit, que nous aurions appelé l'Esprit Saint. Il faut que les corps physiques soient capables de le supporter, parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Tout va casser là-dedans. Or, le rôle planétaire de l'homme, c'est de parvenir, à un moment donné, on l'a vu tout à l'heure, de parvenir à créer un corps de chair, un corps matériel capable de supporter de l'intelligence. Et pour cela, il y aura le phénomène expérientiel. Je reviens encore là-dessus. L'humain n'est pas confiné à suivre les lois planétaires d'évolution. Ce sont des lois expérientielles, ce ne sont pas des lois intentionnelles. Nous ne sommes pas limités à la souffrance, à la peur, à l'angoisse, à l'émotivité, au malheur ou à ces choses-là. Par contre, c'est l'un des meilleurs vecteurs d'évolution pour celui ou celle qui n'a pas suffisamment d'intelligence chez elle pour parvenir à prendre contrôle des mécaniques qui font en sorte qu'elle est programmée à réagir au contexte planétaire évolutionnaire expérientiel. Nous sommes programmés, nous sommes habitués à vivre pour un petit pain. Mais nous ne sommes pas légalement obligés de vivre pour un petit pain. Et ça, l'humain doit le comprendre. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que quand l'humain va parvenir à l'écœurement de l'écœurement, qui l'amène à un moment donné à ne plus être capable, à découvrir qu'il ne peut plus évoluer à partir de son âme, donc qu'il doit développer un contexte mental, et à un moment donné, l'humain parvient à l'écœurement de l'écœurement mental, où l'humain doit découvrir que l'intellect ne le fait plus avancer, qu'il ne peut plus évoluer à partir du point de vue mental, la mentalisation n'est plus la clé de l'évolution. L'humain doit maintenant établir chez lui un vecteur d'évolution qui va l'amener à maintenant quelque chose de neuf, mais qu'il sait fondamentalement, parce qu'il l'a déjà connu il y a quelques milliards d'années, pour ceux qui ont de la mémoire, demain. L'humain doit maintenant se mettre en contact avec une mémoire qui est suffisamment instantanée, une mémoire galactique, qu'on appelle esprit. C'est de l'espiritualisation. Et l'humain doit parvenir maintenant à créer un contact avec ce phénomène-là, à le développer chez lui, et de plus en plus à se laisser régir par lui. Spirituellement, on peut dire que maintenant, la majorité des êtres humains ont évolué à un point tel que les lois divines données à l'homme ne sont plus pour lui. Il a maintenant le droit d'accéder aux lois des mécaniques archangéliques. Comment on se connecte à ces lois-là? Ou comment on devient régi par ces lois-là? La première chose, c'est qu'on doit appliquer. Et ça, c'est un grand, grand malheur chez l'homme qui évolue, chez la femme qui évolue, chez l'enfant qui évolue, c'est qu'il n'applique à peu près jamais rien de leur évolution. Et là, comprenez-moi bien, nous appliquons à 100% les mécaniques évolutionnaires astrales parce que depuis 2000 ans, on n'en a plus besoin et ça fait près de 300 millions d'années qu'on les développe. Venu chez nous programmer habitude. Nous mangeons, nous excrétons, nous dormons, nous nous débattons, nous luttons, nous aimons, nous haïssons. Ce sont des techniques d'évolution. Et ça, on les applique. Sauf que ces techniques-là ne nous amènent plus rien. La majorité des yogas, par exemple, ne font plus évoluer l'humain. Parce que ces techniques servaient à développer des nouveaux corps à travers des milliers d'années. Nous sommes ces corps génétiquement créés. Nous l'avons. On n'a pas besoin de repratiquer. C'est bon pour bien se sentir, mais ce n'est pas évolutif comme c'était dans le passé. La majorité des techniques de méditation et ces choses-là, il y a des techniques neuves maintenant que l'humain doit appliquer. C'est la même chose au niveau des techniques astrales. Fonctionnelles. Quand Dieu ou quand les anciens les instructeurs qui créaient les mécaniques, disons, divines, disent à l'homme qu'une sainte colère, c'est une colère astrale qui doit maintenant être remplacée par une colère mentale. C'est ça, une sainte colère. Et on va parler de certaines autres choses. On aura des mécaniques astrales qui vont vous permettre d'évoluer. Maintenant, l'humain doit comprendre qu'il doit cesser d'appliquer les techniques évolutives des vieux temps pour commencer à appliquer des techniques évolutives, non pas de l'ère nouvelle, des temps actuels. Et on n'applique pas suffisamment. Alors, on avait des lois à l'époque, des lois nutritives. Vous ne mangerez pas d'animaux qui ont le sabot fendu en deux, par exemple, ou en trois. Vous ne mangerez pas tel animal plus qu'une fois par mois, ou une fois par semaine. On devra circoncire tous les mâles. Et aujourd'hui, on va dire, c'est niaiseux! Le porc, à l'époque, les animaux humains de l'époque ne le faisaient pas suffisamment cuire. Alors, ils étaient toujours malades. À l'époque, l'humain, le mâle, d'ailleurs aujourd'hui c'est un peu ça, mais à l'époque c'était pire, il ne se lavait pas souvent. Et il était sale. Alors, la majorité des mâles a été atteinte de phimosis. Ce qui faisait qu'à un moment donné, il devenait stérile. Avec la circoncision, on élimine ça. Aujourd'hui, on dit c'est niaiseux. Pourquoi? Ben parce que c'est niaiseux. Mais non, c'est parce que tu te laves maintenant. Tu es maintenant au-dessus de la loi. Tu n'as plus besoin de ça. Tu fais cuire ta viande convenablement, mais tu es maintenant au-dessus de la loi. Tu n'as plus besoin de ça. Et c'est ce qu'on doit comprendre. L'humain qui, par l'intelligence, évolue, finit par être au-dessus des lois qui régissent l'animal humain. Et tes lois ont été là tant aussi longtemps que ça a été utile. Puis à partir du moment où on est capable de comprendre l'intelligence de ce qu'on fait, d'en voir la conséquence sur nos corps, sur notre vie, on n'a pas besoin des lois. Ben, il y a une loi, par exemple, qui est extrêmement intéressante. Vous pouvez essayer ça. La semaine prochaine, ceux qui viennent de la conférence, vous venez à cheval. Et puis l'hôtel est obligé de nourrir votre cheval, de lui fournir de la paille, de lui fournir l'écurie. C'est une loi fédérale. S'ils ne veulent pas, vous pouvez les poursuivre et vous allez gagner. Peut-être que deux semaines après, on va amender la loi. Un prisonnier qui sort de prison a le droit à 50$, un cheval et une selle. Il peut le demander et l'exiger. Vous savez qu'un cheval, c'est quand même... peut-être qu'ils vont y fournir une picouille, mais c'est quand même avec la selle 1000$. Mais il a le droit. La loi, elle est là. Mais maintenant... On ne fonce pas même plus à cheval. La loi, elle est là. Oui, mais on est au-dessus de ces lois-là dans notre vie. L'humain, maintenant, doit donc commencer à accepter d'être régi par une mécanique expérientielle. Mécanique expérientielle, c'est les mots intelligents pour décrire des lois nouvelles. Il n'y a pas plus de lois que de choses sur votre tête. Quand des choses mal. Ah, toi, t'es pas mal, ouais. Pas mal de lois. C'est des fois astrales, mais quand même. Bon. Donc, l'homme, la femme, l'enfant peuvent comprendre, doivent comprendre que maintenant, ils doivent appliquer. Et appliquer fait partie de la nouvelle loi. Vous avez de l'intelligence, appliquez l'intelligence. Vous n'en avez pas, dans quelques 20 ou 30 ans, l'humain sera obligé d'appliquer de nouvelles lois. Ils seront régis par une religion mentale. Qui va dire que vous ne gagnerez pas, ça s'appellera plus le ciel à l'époque, vous ne gagnerez pas le ciel si vous ne mangez pas convenablement. Les lois. Dieu est frustré, il a mal à une dent quand vous mangez mal, tu sais, pour ceux qui ont besoin encore de spiritualité. Mais en réalité, celui qui applique l'intelligence va simplement manger convenablement parce que c'est intelligent de manger convenablement. Mais il y a une nuance entre l'un et l'autre. Il y en a un qui fonctionne par l'intelligence, donc progressivement, il va éclore, il va se sortir de l'être planétaire, et il va commencer à devenir un être qui sera beaucoup plus que planétaire, un être extraplanétaire, un être qui sera cosmique, un être qui sera galactique pour commencer. Et là, on parlera donc de pourquoi l'homme a été créé, mais à l'échelle de la galaxie. pour l'ego, oui. Puisqu'on en a encore, qui est sur la planète, il se demande qu'est-ce que ça va donner que je sois régi par un certain, une certaine phase de loi ou un certain niveau de loi plutôt que par un autre. Bon, en tant qu'ego, comprends ceci. Tu es un enfant, tu as 10 ans, et là, tu fais de la grande philosophie pour te dire « Oui, mais à quoi ça va me servir de devenir un adulte? » Moi, ce que je vais te dire, c'est que tu peux en parler, tu peux jaser, mais prépare-toi en même temps, parce que veux, veux pas, tu vas devenir un adulte. Oui, mais moi, j'en vois pas l'intelligence de devenir un adulte. De toute façon, ton corps va changer, il t'appartient pas encore. Compris? Alors, si l'ego se dit « Oui, mais moi, là, quand ça va devenir, quand je vais devenir un être supramental ou un être nouveau, non, de toute façon, tu vas y aller. » Alors, on peut en parler longtemps, mais on peut aussi simplement préparer le chemin pour y aller. Ça va être beaucoup plus agréable. De toute façon, tu vas y aller. Quand la jeune fille se dit « Oui, mais tu sais, moi, être menstruée, là, j'en ai pas l'intelligence! » C'est peut-être vrai. Mais de toute façon, moi, je n'ai rien contre, on peut en parler. On peut trouver ça stupide. Mais on va quand même aller à la pharmacie, tu sais? À un moment donné, tu n'auras besoin. Oui, mais là, moi, là, si je décide que fais ce que tu veux, ce que je te dis simplement, c'est une mécanique qui ne t'appartient pas, puis de toute façon, tu vas y aller. Je l'ai déjà dit, la première fois, je l'ai dit, j'avais 12 ans. Je faisais une petite conférence, puis j'expliquais aux humains qu'un jour ou l'autre, que vous le vouliez ou pas, vous ne serez plus malheureux et vous ne souffrirez plus. Et je sais que pour un ego, c'est très épeurant. C'est pas ça justement qui fait la souffrance de la lutte, comme tu dis dans l'exemple de la jeune adolescente qui refuse de vieillir. C'est bien plus souffrant de ne pas, se servir de ce qui peut exister pour l'aider à amoindrir le problème que de le refuser. Oui. Il va arriver pareil. Surtout que la femme n'est pas obligée d'être menstruée. C'est une loi planétaire, mais il y a plusieurs femmes qui sont rendues à un niveau d'évolution où elles ont des menstruations une fois par 6 mois, une fois par année. Et puis il y en a qui n'en ont plus, mais ceux-là ont 65 ans. Bon, c'est pas une loi planétaire. Sauf qu'on va dire, oui, mais c'est pas une... Comment je fais pour... On évolue. On évolue. L'homme, le mâle, qui était habituellement toujours pogné à courir après les femmes, ou après sa femme. Mais lui aussi, c'est son maudit problème. Mais c'est une loi expérientielle, c'est une loi typique de celui qui n'est pas capable de se légiférer pour lui. À un moment donné, l'être humain doit... Comment on fait? On a appliqué le neuf. Oui, mais ça va pas. Oui, ça va tout changer, mais ça va prendre le temps que ça va prendre pour le changer, mais ça va tout changer. Et à un moment donné, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on dise à une personne, écoute-toi, là, t'as fait telle chose, ça a changé, viens faire un témoignage. Oui. Non. Parce que celui qui fait des témoignages, les individus qui accrochent par témoignage sont des individus qui accrochent par foi astrale. Ce ne sont pas des individus qui accrochent par intelligence. Et je le dis tout le temps, les résultats secondaires de l'évolution, on peut les travailler pendant des milliers d'années, on les aura un jour, on ne sera pas plus évolué, on ne sera pas des assujettis. Alors que si on évolue, on travaille le fondement même de l'être humain, tous les résultats secondaires vont finir par apparaître à un moment donné. Et on aura la paix. L'être humain, donc, au niveau de ton ego, je m'en balance ton ego pour l'instant. Il y a d'autres conférences où on va en parler. Sauf que là, si je me mets à expliquer qu'est-ce que ton ego va en retirer, chose qui est certaine, c'est ce que ton ego veut depuis qu'il est ego. C'est ce qu'il va avoir. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous ne savez tellement pas à quoi ça ressemble, que les égaux n'ont pas. Je ne sais pas ce que ça va être. Non, mais c'est ce que ça va donner. Il espère sans savoir ce que c'est. Là, on est comme des adolescents, finalement. On n'est plus enfant, on n'est plus adulte, on n'est pas encore supramental. Plusieurs personnes sont effectivement dans l'adolescence de l'humanité. C'est que l'évolution, ça ressemble à une crise d'adolescence aussi. Pour plusieurs aussi. T'es plus dans une voie, t'es pas dans l'autre. T'es contre tout, t'es pour rien. Adolescent. Puis les adolescents ont rarement raison. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent plus, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Et souvent, l'humain qui évolue, c'est ce qui arrive. Alors, il continue à vivre, il continue à... Mais il faut appliquer des choses. Alors, on va sortir un peu du contexte planétaire. Pourquoi l'homme est créé d'une façon cosmique? On va toucher des petits morceaux. C'est évident qu'on ne peut pas tout toucher. Premièrement, de comprendre ceci. Il y a des systèmes solaires, il y en a plus qu'un, il y a des galaxies, il y en a aussi plus qu'une. Et il y a des univers, et il y en a plus qu'un, il y a des super-univers, il y en a aussi plus qu'un, et il y a des créations parce qu'il y en a plus qu'une. On va se contenter de parler de la nôtre. Dans notre création, il y a des super-univers, il y a des univers, il y a des galaxies, il y a des systèmes solaires. Premièrement, l'être humain ne peut pas... Vous devez savoir ceci, c'est que il n'y a pas, dans notre création, d'être plus évolué que l'homme, la femme et l'enfant. Il y a des créatures, il y a des êtres aussi évolués que nous, il n'y en a pas de plus évolués que nous. Dans le plan terrestre ou dans le plan absolu. Dans le point, du point de vue absolu. Okay. Nous sommes ce qu'il y a de plus évolué. Alors, à un moment donné, il y a des êtres qui vont arriver et qui vont descendre peut-être dans cette bonance ou encore qui vont simplement se mettre à apparaître devant vous, qui vont se matérialiser. Ces êtres-là seront capables de vous énergiser comme vous ne l'avez jamais été. Ils pourront peut-être traverser les murs, courber l'espace-temps. Ces êtres-là ne sont pas plus évolués que l'homme. Ils sont plus efficaces que l'homme. Qu'est-ce que c'est l'évolution? Ce n'est pas l'efficacité. Non. L'évolution, c'est la capacité qu'a un être de supporter de l'inconnu. Ces êtres-là ne sont pas plus évolués. Pourquoi? Parce que leur vecteur d'évolution est un vecteur d'effusion. Notre vecteur d'évolution est un vecteur de fusion. En langage humain, ça veut dire quoi? Eux sont présentement plus jeunes que nous, et ils sont en période d'involution. Alors nous sommes partis du degré 100, nous sommes descendus au degré 0, et nous remontons, nous sommes présentement au degré 12. Lorsque nous rencontrons des êtres qui sont au degré 30, 40 ou 50, ils sont vachement plus évolués que nous. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'eux sont en train de se refroidir. Donc eux se dirigent vers le point 0. Et nous dirigeons vers le point 100. En termes chronologiques ou en termes évolutionnaires, nous avons de l'avance sur eux. C'est le deuxième rôle fondamental de l'apparition de l'homme à travers le contexte galactique. Après ça, on va voir le contexte créationnel. Du point de vue galactique, notre rôle, qu'est-ce qu'il est? Il est de recevoir ceux qui tombent. Ça veut dire que lorsqu'à un moment donné, c'est pourquoi l'humain, dans sa philosophie, il a toujours été en contact avec apparemment des dieux, et les dieux se sont toujours intéressés à l'homme. Alors, on a Ézéchiel, qui est un extraterrestre, on a d'autres divinités qui sont plus astrales, on a des divinités qui sont spiritiques, supramentales. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à l'homme? Et pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à certains types d'hommes? De femmes, évidemment, tout le temps. Pour la simple raison que vous êtes en train de monter, vous montez, et là, il y a des particularités qui, elles, s'écrasent. Comme nous sommes écrasés, comme nous remontons, nous n'avons pas été punis. Nous sommes les premiers, nous sommes les meilleurs. Qui nous sommes les, ou les plus caves, hein, dépendamment si c'est l'ego qui voit le phénomène ou si c'est l'intelligence. Nous avons accepté de descendre dans la matière, de devenir de la matière, de restructurer la matière pour la recréer de façon à ce qu'elle puisse supporter de la lumière. On va voir à quoi ça sert après. Et là, il y a encore des mécaniques qui descendent pour la même chose. Ces mécaniques-là ont deux raisons d'être. De venir de la matière ailleurs, dans d'autres mondes refroidis, et aussi venir nous chapeauter. Donc, on peut se servir de leur énergie pour nous remonter ou est-ce mais on doit se servir de leur énergie. On s'en sert? Oui, on s'en sert peut-être pas, mais on doit. Alors, il arrive ceci. Il arrive que la mécanique, elle descend, elle va devenir de la matière elle aussi, puis dans quelques milliards d'années, elle sera comme nous. Nous sommes en train de monter, nous avons maintenant la capacité de supporter de l'énergie, donc le phénomène qui descend, eh bien, on doit l'attirer pour qu'il vienne se connecter à nous. De ce fait, on pourra dire Dieu va être capable de sauver l'homme, mais l'homme aura sauvé Dieu. De l'expérience humaine. Est-ce qu'on lui évite l'expérience humaine? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller à zéro? Si nous autres, on exact. Est rendu à 12 ou à 15, exact. Il nous frappe là, puis il remonte. Oui. On est gentil pour les autres. Effectivement, du point de vue de l'ego, on n'était peut-être pas brillant de partir les premiers. Il y a encore des personnes qui vont lui qui me disent tout le temps, oui, mais si dans quelques milliards d'années, tout est fini, moi, j'ai autant me suicider puis revenir. Oui, mais non. L'humain est manipulé. Les personnes qui veulent se suicider ne pourront pas se suicider. Puis ceux qui vont le faire, c'est des individus qui vont se réincarner dans pas grand temps, dans des corps de suicidaires pour récupérer ceux qui vont se suicider, puis ils auront une vie, en tout cas. Puis, chacun fait sa vie. Bon. Alors, il arrive donc ceci, il arrive que, présentement, plusieurs individus sont prêts de ce que l'humain appelle un contact extraterrestre. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'avant, on parlait d'un contact divin. On a eu le contact divin. C'est des dieux placés dans le monde astral. Maintenant que nous sommes ces dieux-là, que nous sommes même capables de rectifier leurs lois, le contact est espritique, donc extraterrestre. C'est-à-dire qu'il ne provient pas du ciel, il provient des cieux. Dans un langage du 20e siècle, on parlera de contact extraterrestre. Il existe deux mécaniques extraterrestres. Une qui veut piquer la génétique de l'homme pour s'installer dedans au détriment de l'homme, mécanique et loïmique entre autres, et une autre qui, elle, était fusionnelle, qui ne vient pas en soucoupe volante, qui a comme caractéristique de s'associer à l'humain. On parlera de l'esprit. Lorsque l'être humain entre en contact avec des mécaniques astritiques, cela veut dire que l'être humain qui est le plus évolué doit rester le maître contrôleur à bord de la mécanique ascensionnelle. Vous savez comment ne pas évoluer. Peut-être que vous ne le savez pas clairement. Ah, mais vous le savez, en maudit. C'est inscrit dans votre génétique physique, dans votre corps vital, dans vos réincarnations astrales. Alors si, à un moment donné, on se fait digérer par une mécanique fusionnelle, il y a des chances que dans 2-3 000 ans, ou 2-3 millions d'années, qu'on sera devenu comme avant. Et c'est le problème. L'intelligence qui descend, par exemple, sur un personnage qui dirige un pays qui entre en guerre, et l'intelligence, elle manipule la personne quand on le voit à la télévision. Le bonhomme est extrêmement intelligent. Il est manipulé, par contre. Cette intelligence-là, elle digère l'individu. Alors, elle va progressivement continuer son effusion en l'ayant ralenti. Et si on laisse ces personnages dominer le monde, dans quelques années, on sera retourné à l'âge de Pierre. Oui, ils sont pas assez solides. Je parle de Pierre, l'apôtre. Ils sont pas assez solides pour arrêter la chute de ces énergies-là, donc ils vont reculer avec, puis ils vont reculer. Ben, alors que l'être humain qui est ascendant doit digérer les énergies. De ce fait, on va développer un ajusteur de pensée, on doit contrôler l'ajusteur de pensée, on aura un contact avec le plan supramental, avec l'esprit, on doit contrôler le contact avec l'esprit. Ça te parle pendant la nuit, il faut que ça ferme sa gueule en haut. Ça te parle quand tu conduis ton automobile cette nuit, il faut que ça ferme sa gueule en haut. Parce que ça ne sait pas que toi, tu peux te casser la gueule en conduisant comme ça. Ça ne le sait pas. Oui, mais c'est si intelligent, c'est spontané et instantané. C'est parfait. Sauf que nous sommes les meilleurs gestionnaires de cela. L'intelligence, vous savez une chose, comprenez une chose, c'est que l'esprit ne vaut rien tant que ce n'est pas connecté à un être humain. Puis souvent, l'humain ne vaut pas grand-chose s'il n'est pas en contact avec de l'esprit. Alors, l'être humain qui a la capacité de supporter cela va donc maintenant empêcher que se poursuive l'effusion majeure d'énergie très haute dans le contexte matériel. Quand cela va se faire, l'expansion de notre univers va commencer à ralentir, il va arrêter. Parce qu'actuellement, il y a une expansion? Il y a une expansion, elle est continuelle. Les étoiles, les galaxies s'éloignent l'une de l'autre à une vitesse très lente, près de la vitesse de la lumière. Et à un moment donné, lorsque les effusions vont être arrêtées, c'est-à-dire que lorsque on va être capable de supporter nous-mêmes en tant que phénomène créationnel l'énergie de ce qui descend, cette énergie-là sera focalisée chez nous. Nous allons donc maintenant passer à la mutation de l'homme nouveau. C'est-à-dire que nous allons être des êtres qui auront une bilocation de conscience, des êtres qui auront une conscience extraplanétaire, une conscience planétaire. Et nous allons cumuler l'énergie. De ce fait, nous allons progressivement éliminer l'énergie qui permet à l'univers de s'expandre. La force gravitationnelle qui est l'amour créationnel va maintenant ralentir l'expansion et commencer à créer une résorption. Pendant la limitation, pendant l'arrêt, le blocage de l'expansion évolutive de l'univers, L'être humain aura d'immenses contacts à travers d'autres galaxies. Ce sont des choses qui sont un peu loin encore d'aujourd'hui. Ça va se passer quand même dans quelques années. Et l'humain, par transport séraphique, aura la capacité de récupérer toutes les parties de sa constitution qui sont disséminées à travers la création. Et à un moment donné, il va arriver ceci, il va arriver que là, toutes les parties qui sont disséminées à travers la création de ce qui vous constitue vous, que vous ne connaissez pas encore, vont commencer à se rapatrier. Ça va tout se diriger vers un seul centre. On parlera encore d'une fusion massive. Et à un moment donné, eh bien, la création complète va commencer à se résorber. Elle va revenir vers elle-même. Mais ça va provoquer des accidents si les planètes commencent à se rapprocher l'une de l'autre? Ça va provoquer des accidents planétaires, des accidents stellaires, des explosions, ça va rapprocher les trous noirs, ça va provoquer des feux d'artifice, en tout cas, là, comme vous n'en avez jamais vu. Et on va être aux premières loges. Et à un moment donné, quand le feu d'artifice sera dans son summum, dans son apothéose, eh bien, à un moment donné, ça va se résorber. Puis il n'y aura plus rien. Et là, l'homme aura accompli sa mission. Puis il va être où, l'homme qui a accompli sa mission? C'est une question qu'un ego ne peut pas comprendre. Ben, il écoutera la cassette. Parce que le temps et l'espace sont deux choses intimement liées qui existent l'un par rapport à l'autre. Lorsque l'homme aura accompli son travail, il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus d'espace. Donc, étant donné que l'existence existe uniquement en fonction du temps qu'on a pour l'expérimenter, l'être humain qui aura résorbé la création ne sera plus expérientiel, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus rien. Il sera instantané. Étant instantané, il ne sera pas mémoriel. Ni mémoire d'avenir, ni mémoire de présent, ni mémoire de passé. Il n'y aura pas de temps. L'être humain n'existera plus. Tel qu'on le connaît. Rassurons-nous. Tel qu'on le connaît. Quand je dis qu'un ego ne peut pas comprendre cela, je ne dis pas que vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre ça ou intelligent. Mais l'ego va colorer, va s'amuser. Nous sommes dans un contexte limité par l'espace-temps. Nous avons été créés dans le temps. Nous sommes des mortels. Avec la fusion, avec des mécaniques qui sont présentement fusionnels, qui font l'inverse de la fusion, nous allons devenir immortels. Pas dans le corps physique au départ, dans la conscience. Par la suite, au niveau du corps, lorsqu'il y aura une fusion entre le double éthérique et le corps de chair, ça créera un corps de lumière. Par la suite, l'humain va devenir intemporel. Et alors, le tout barbouillé d'enthousiasme, mais intemporel, ça veut dire en dehors du temps. En dehors du temps, ça veut dire que vous ne pouvez plus chronométrer votre existence. De ce fait, du point de vue d'un visuel d'ego, créature du temps et de l'espace, vous n'existez plus. Et c'est le terme le plus exact pour expliquer à l'humain ce que va être sa finalité en tant que créature de souffrance. N'existera plus. Et là, l'ego pose la question, si je n'existe plus, est-ce que ça veut dire que je suis totalement anéanti? Absolument pas. Alors, j'aurais bien fait de poser la question. Mais oui, absolument. L'humain ne sera pas anéanti, l'humain ne sera pas détruit, l'humain sera parfait. Mais la perfection de l'homme, de la femme ou de l'enfant, la perfection de l'être en réalité, l'amènera à être spontané, instantané. Et là, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a des choses qui... On pourrait continuer comme ça, s'en aller. Si vous avez des questions intéressantes, à la deuxième partie, j'y répondrai. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il est préférable, dans une conférence régulière comme ce soir, de comprendre certaines choses. C'est préférable aussi de digérer certaines choses. La majorité des personnes qui ont un langage supramentalisé ou supramental souvent engendre une problématique. C'est qu'il donne tellement d'informations à l'humain qu'à un moment donné, celui-ci ne veut plus appliquer, il veut savoir d'autres choses. Alors, vos égos vous nuisent. Ouais, ça on le sait, ça on le sait, là. T'sais, amène-nous quelque chose de neuf aujourd'hui. Vous allez mourir si vous n'appliquez pas. Ouais, j'ai déjà dit ça aussi, là. C'est quelque chose de neuf aujourd'hui. Non, à un moment donné, là, il faut vraiment qu'on n'en donne pas trop. À l'instant où la personne commence à appliquer, là, on peut en donner. Pourquoi? Parce que quand on va en donner, c'est de l'énergie qu'on va donner. Mais son ego va continuer à être assujetti à un mental discipliné qui va continuer à appliquer des choses. Alors, s'il y a des questions, on pourra revenir un petit peu après. Mais moi, je suis vraiment, vraiment pour une chose. On doit, à chaque fois qu'on vient à une conférence, au minimum, repartir avec une chose qui peut être applicable immédiatement et qui peut améliorer notre condition de vie ou notre attitude de cosmologisation, notre façon de voir le monde. Si on a sorti un petit gugus dans le genre, après ça, on peut aller où ce qu'on veut, c'est parfait. Parce qu'énergétiquement, l'humain a besoin d'énergie. Moi aussi, plus je parle haut, plus je m'énergise, plus c'est parfait. Tout le monde en bénéficie. Mais la condition, parce que moi j'ai toujours eu un avantage sur plusieurs personnes, c'est que j'applique. J'applique pas tout, parce que tout n'est pas dit pour être appliqué. Ce n'est pas le temps. On prépare le terrain, mais on doit appliquer. Mais ce qui n'est pas rassurant pour l'ego, c'est que ce que tu dis, c'est qu'on n'aura pas existé. En réalité, je vais te dire une chose. Ce qui n'est pas rassurant pour l'ego, c'est pas ça. Ce qui n'est pas rassurant pour l'ego, c'est la conscience. La conscience, ce n'est pas rassurant pour l'ego. Vu supramentalement, l'enfer, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui va en enfer, c'est quelqu'un qui rentre au ciel avec de la conscience. Qui est en enfer. OK? C'est ça. Bon. L'enfer planétaire, qu'est-ce que c'est? Vu supramentalement, c'est lorsque l'être humain entre en contact avec son esprit, avec une lucidité spontanée et instantanée, qui brise le mensonge cosmique et l'illusion, ben, l'humain dans son corps physique, comme vous êtes là, subitement devient conscient, mais il est en enfer total. C'est l'enfer. Alors, qu'est-ce qui peut être rassurant pour l'ego? C'est l'évolution supramentale, c'est l'évolution vers l'Esprit Saint, c'est l'évolution vers un esprit pur. C'est l'évolution vers la conscience instantanée. Ce n'est pas rassurant pour l'ego. Pourquoi? Parce que vous savez que tout est illusion. Et parce que ça fait mal, on a créé astralement un cadre de vérité qui camoufle l'illusion. Mais au-delà de la vérité, il y a la réalité. Et la conscience supramentale va nous amener à traverser la vérité pour subitement voir la réalité. Mais la réalité, elle a un gros défaut, c'est qu'elle va briser toutes les mécaniques de protection de vos égos. Et par la suite, elle va venir fractionner l'ego pour le parfaire. Une opération chirurgicale à égo ouvert. Et ça fait un peu mal. Parce qu'on résiste. Son avantage ultime, c'est que toute l'illusion est ce qui fait souffrir l'humain. Alors que la réalité, elle a certaines mécaniques qui vont nous permettre de la régir, de la contrôler. Et la contrôler en fonction de ce que nous savons du règne humain, du règne matériel, de l'intelligence dans la matière, nous allons parfaire tout ce qui a été créé. Mais on doit passer par une ouverture quelque part. La personne qui, pour la première fois de sa vie, doit se trouver un emploi, elle souffre. Elle transpire, elle a peur. Quand elle est engagée, et ça va bien. Puis une fois qu'elle a pris l'habitude puis le tour, là... Je te dis bien quand je travaillais pas. Ça, c'est parce que t'as pas pris de bon emploi, t'es rentré dans le sec, là. OK. Ça, c'est souvent les réactions qu'on a, quand même. C'est probablement parce qu'on n'a pas pris les bons, mais à la deuxième partie, on va pouvoir poser d'autres questions. Je vais y répondre. C'est que ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez prendre des bouts de papier avec des crayons, il y en a à l'entrée. Écrivez vos questions dessus, je vais les poser. Daniel va y répondre. Alors, on fait une pause cosmique. Ça va durer quelques minutes. Puis on revient. Cosmique.